convoi trois voitures. Ouais, on arrive comme dans Viking. Combien de mangas t'as poussé des affaires, au final ton quai pour un demi-kill. Ouais, la graisse a quitté la victime. Sur la vie de sa mère, c'est normal le numéro. La définition d'un trauma. Tous les jours tu te remets moi. Y'a des mecs qui se prennent des KO, qui se réveillent, qui se demandent si le combat a commencé. Même si je suis dans un putain de fauteuil roulant, j'ai mis ta mère comme il va le désosser. Des têtes sociétés qu'il faut dénoncer. On n'a pas laissé jamais renoncer. Et j'oublierai jamais de niquer ta mère. Si aujourd'hui je suis venu pour négocier. Chez nous on dit pas qu'il y a du cam. J'ai dans ses pètes de Rotterdam. On y met beaucoup de cœur et peu d'âme. Y'a 45 jobs pour rentrer d'âme. Prépare mes musées, j'ai pris de bécane. Même si je suis calibré, dealer c'est calme. Quand dit que je te baisse, c'est amical. J'ai qu'une femme, elle n'est pas les polygames. Je suis un prédateur, pourquoi j'ai rien à proie qui rêve d'être grandi comme un chien. Devenir riche et rentrer plus que tu dépenses, c'est même je suis nickel sur le ratio. C'est vrai, je commets des péchés. Envers de la seule adoration. Ils avaient peur, ils séparaient des élèves pendant les heures de récréation. On a dû faire des invitations, des putains d'actions, des séquestrations. Cette génération voit sa réussite dans les sapes ou dans une pénétration. Je suis plus vrai qu'un ministre de manipulation dans mes déclarations. Fais pas l'ancien frappe du tir alors que tout corps tremble à la moindre vibration. De cam, j'ai dans ses pets de Rotterdam. On y met beaucoup de cœur et peu d'âme. Y'a 40 salopes pour une vraie dame. Prépare mon oseille, j'ai pris de bécane. Même si je suis calibré, dis-leur que c'est calme. Quand dit que je te baisse, c'est qu'amical. J'ai qu'une femme, elle n'est pas les polygames. Je suis un prédateur, pourquoi j'ai rien à proie qui rêverait m'étrangler comme un chiot. Devenir riche et rentrer plus que tu dépenses, si c'est que je suis nickel sur le ratio. C'est vrai que je connais des péchés. Envers de la seule adoration. Ils avaient peur, ils me séparaient.